Deuxième partie, l'amour en deuil, chapitre 1er, un appel dans la nuit. Nous n'arriverons pas à Toulouse avant une heure encore, grommela Daubigné. Et il est déjà passé minuit. Je le crois, dit tranquillement Guillaume, mais nous aurons tout le temps de nous y reposer. Et ce sera justice, morbleu, s'exclama Belcoeur. Je commence à me sentir lassé des grands chemins. Depuis 6 semaines que nous avons quitté Pau et 15 jours Rome, j'éprouve le besoin de me laisser vivre dans le nonchaloir. Vous, Givry, allons donc, repartit Agrippa. Ce n'est pas dans votre nature. Hé, qu'en savez-vous, mon ami? Parce que jusqu'ici, je n'ai eu ni le temps ni l'occasion de me laisser aller à la paresse. Il ne faut point conclure que je ne saurais pas être paresseux, comme tout le monde. Ses amis se mirent à rire. Leur hilarité fut coupée net. Au loin, un appel retentissait soudain. C'était un cri indistinct, mais empreint de détresse. « Allons, » fit Belcoeur, « voilà qui va encore retarder notre arrivée à Toulouse. » Et piquant les deux, il s'élança sur la route enveloppée d'ombre. Un cri s'éleva de nouveau, plus précis, cette fois. « Au secours ! Une voix de femme !» fit Roselin. La route, à flanc de coteau, traçait des sinuosités. Elle traversait un bois de châtaigniers, et à cette heure sombre, elle présentait quelque chose d'hostile, de mystérieux, de farouche, accru par le silence et les ténèbres. À présent, Belcoeur, en tête de la troupe, percevait des bruits de voix, des piétinements, des heurts d'armes, des jurons, des sonnailles. Il tourna un coude du chemin et tomba sur un groupe mouvant qui s'agitait dans l'obscurité. D'un coup d'œil, le capitaine embrassa la scène. Une litière stationnait, attelée de 2 mules cabrées que maintenait un homme, tandis que d'autres, malandres armés, attaquaient les gens de l'équipage. Un rideau frémit, s'écarta, laissant entrevoir un visage de femme, dont la nuit masquait l'expression de vive angoisse. À l'arrière de la voiture, un combat se livrait entre un jeune homme, ardent et résolu, et 3 ou 4 coupe-bourses. L'épée haute, arrêtant court son cheval, Roselin cria. « Courage, on vient à vous, arrière canaille !» Et la terrible flamberge commença à trouer, de droite et de gauche, les dos, les épaules, les poitrines débrandies. Le jeune homme est dégagé. La Varenne et Daubigné avaient rejoint leur ami et s'escrimaient de leur mieux. Les gentils hommes s'approchèrent, tête nue de la litière, dont les rideaux étaient refermés. « Madame, » prononça Roselin, « vous voilà délivrée de ces coquins et libre de reprendre votre route. Nous désirons seulement, mes amis et moi, vous saluer et nous mettre à votre disposition. » Derrière lui, une voix s'éleva, « Permettez, mon gentilhomme. » Givry se retourna. Il avait devant lui un homme d'une 50aine d'années environ, vert et vigoureux, qui semblait une façon d'intendant ou de domestique de confiance. Ouvrant les courtines de la caisse dorée et armoriée, ce dernier appela. « Mademoiselle !»« Mon pauvre Godefroy, vous n'êtes pas blessé ?» demanda de l'intérieur la voyageuse, dont la voix avait un timbre charmant. « Non, ne vous inquiétez pas, mais si nous sommes sains et saufs, nous le devons au vaillant seigneur que voici. » Alors, s'effaçant, il souleva le rideau et montra Belcoeur, Daubigné et la Varenne, qui un peu à l'écart attendaient, immobiles, tête découverte comme à la réception du roi. « Oh, messieurs, que de grâce ne vous dois-je pas ?» fit avec élan la maîtresse de Godefroy, en avançant la tête pour regarder ses sauveurs. « Mademoiselle, répondit Roselin, c'est nous qui nous félicitons d'avoir pu vous tirer des mains de ces mécréants. »« Godefroy, ordonna la jeune fille, « faites allumer nos torches pour que je voie mieux messire et que je puisse garder leurs traits dans ma mémoire. » Roselin et ses amis purent distinguer bientôt une délicieuse figure aux cheveux blonds, aux yeux bleus, aux traits délicats, à la peau nacrée, à l'expression candide. Un charme ineffable émanait d'elle, et toute la fraîcheur de la 20e année animait la joliesse de cette idéale créature. « Permettez-moi, mademoiselle, fit Belcoeur, de vous présenter mes amis. » Le chevalier Guillaume de la Varenne et le baron Agrippa d'Aubigné, et de me présenter moi-même, Roselin de Givry, capitaine des gardes du roi de Navarre. Et moi, monsieur, fit en souriant la jeune fille, je suis Violaine de Mauvilliers, fille du lieutenant général du gouvernement du Languedoc. Les gentilshommes saluèrent. Pardon, messire, dit Godefroy, avec hésitation, il y a là un gentilhomme qui se tient à l'écart et a cependant pris vaillamment sa part du combat. « Je le croyais de votre compagnie. » Surpris, Roselin et ses amis se retournèrent. À quelques pas, en effet, se dressait le jeune cavalier qui tenait tête seule à plusieurs agresseurs lorsque Givry était accouru. Il vint au baron, les mains tendues. « Vous m'avez sauvé, monsieur. » « Et vous, monsieur, vous protégez mademoiselle. » Instantanément, une amitié était née. Le jeune homme semblait hésiter à s'approcher de la litière. Belcoeur n'insista point. D'ailleurs, Godefroy venait de donner ordre de reprendre la route. Deux laquais blessés avaient été soignés et pouvaient suivre. Quant aux bandits, ils laissaient sur le terrain trois éclopés qui, sous la garde de la Guibole et Franck Astor, allaient être menés à Toulouse pour y être remis aux mains du prévôt criminel. Escortés par les gentilshommes et leurs écuyers, la litière se remit en marche. La Varenne et Daubigné, à gauche, chevauchaient en échangeant quelques paroles. À droite, Roselin de Givry considérait le jeune gentilhomme qui, laissant la bride molle à sa monture, paraissait mélancolique et rêveur. Belcoeur se sentait instinctivement attiré vers ce ténébreux cavalier. Son extérieur était aussi sympathique que son maintien réservé. La grande modestie dont il avait fait preuve, en ne voulant pas aller recevoir les remerciements de Violaine, apparaissait digne de sa bravoure. Aussi, obéissant à un élan spontané, Givry s'approcha-t-il de son voisin et lui dit d'une voix cordiale « Pardonnez-moi, monsieur, de troubler vos méditations. Cependant, je vais vous paraître grandement indiscret. Je brûle de l'envie de vous connaître. Je suis le baron de Givry. Et moi, monsieur, le chevalier Hervé de Pont-Réal. » Le jeune homme avait répondu après une hésitation légère. « Pont-Réal, » répéta Belcoeur. « Il me semble que je connais ce nom. J'ai dû rencontrer jadis quelqu'un de votre famille. » L'embarras du jeune homme redoublait. « Ou bien, » fit-il, « est-ce plutôt que vous avez traversé le village de Pont-Réal, proche de Toulouse ?»« C'est cela, » s'exclama Roselin. « Je suis passé il y a quelques semaines par Pont-Réal. Là est sans doute votre seigneurie. » Hervé répondit, une voix troublée. Je n'ai aucun domaine, dans la région ni ailleurs. Ah, fit Givry, qui sentit chez son compagnon une émotion étrange. Votre famille habite Toulouse? Je n'ai pas de famille, prononça gravement Hervé. Ah, fit encore Givry, déconcerté. Orphelin, à votre âge? C'est bien triste, certes. Et trouvant là un sujet de conversation, il poursuivit. Lorsqu'on a eu une mère, un père, que l'on se souvienne des baisers et des caresses de l'une, des conseils affectueux et des exemples de l'autre. Il est dur, Hervé l'interrompit. Je n'ai connu ni mon père ni ma mère. Décidément, monsieur, pardonnez-moi, mon indiscrétion est déplorable et je ravive en vous de pénibles souvenirs. Veuillez ne voir en mes paroles qu'une expression de vive sympathie pour vous. Inutile de vous excuser, messire. Je suis au contraire fort touché du sentiment que vous me manifestez. Moi-même, j'ai le plus vif désir de vous connaître, car je me sortirai très fortement vers vous. « Bravo !» s'exclama Givry. « En ce cas, monsieur, je demande qu'à être votre ami. »« Je suis déjà le vôtre, » fit Hervé. « Et pour vous en donner une preuve certaine, je vais vous faire des confidences que personne n'entendit jamais. » Et il commença, après un court silence. « Si je me nomme Hervé de Pont-Réal, c'est que j'ignore quel est mon véritable nom. De même que j'ignore tout de ceux qui m'ont mis au monde. » À l'âge de 2 ans, je fus trouvé, abandonné, dans le village de Pont-Réal, par un brave prêtre, l'abbé Patrice, qui m'a tenu lieu de père et de mère, car il eut pour moi, durant 16 ans, les soins les plus tendrement empressés. Voilà en effet un brave homme. Le meilleur cœur que je connaisse, déclara Pont-Réal. Il m'éleva, m'instruisit, me forma. Il voulut que je devinsse un véritable gentilhomme, me fit apprendre les armes, le cheval, tous les exercices de corps, sans négliger ceux de l'esprit. Mens sana in corpore sano. Depuis 4 ans, il a voulu que je voyage. J'ai visité Paris et la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Aussi, de retour à mon pays, pensez si j'ai hâte de retrouver mon père adoptif et de l'embrasser. C'est bien naturel. Malheureusement, je n'ai pu satisfaire ce désir. Comment cela? L'abbé Patrice a disparu. Il est mort? Je ne sais. Nul n'a pu me renseigner exactement. Depuis plus de 20 ans que les guerres de religion bouleversent la France, tant de prêtres, déjà, ont été victimes du fanatisme. Il aurait disparu peu après votre départ, 2 ans après environ. Je désespère, après tant de temps, de le retrouver jamais. Depuis 3 semaines que je suis de retour à Toulouse, j'ai battu tous les environs. jusqu'à plusieurs lieues à la ronde et je n'ai rien trouvé, rien. » Le jeune homme, en faisant ce récit, paraissait accablé de peine. Belcoeur ému affirma « Eh bien, nous recommencerons ensemble les recherches. Vous m'aideriez ? Ce qui est dit, mais vous ne savez pas tout. D'autres préoccupations me sollicitent. Ce n'est pas seulement mon père adoptif que je veux retrouver, c'est l'autre. L'autre ? Oui, mon père réel, celui qui m'a abandonné jadis. En recherchant l'abbé Patrice, j'ai découvert certains indices qui me poussent à croire que mon père vit encore. Vous savez son nom ? Non, hélas. Mais tout me donne à penser que c'est un homme puissant et riche. Ah, celui-là aussi, je voudrais le joindre pour lui reprocher son abandon, pour lui crier mon mépris, me venger de mon chagrin. Oula, dit Roselin, vous vous emportez à tort peut-être, mon ami. Qui sait à quelle impérieuse nécessité cet homme a obéi autrefois ? Fallait-il pas une bien cruelle obligation pour contraindre un père à se séparer de son enfant, à ne plus le revoir, à ne plus même rien savoir de lui jamais ? Il se peut que vous ayez raison, balbutia Hervé de Penréal. Mais au fond de moi, quelque chose me dit que mon père ne mérite ni ma tendresse ni mon pardon, qu'il est coupable. Une voix le crie en mon âme. Attendez pour le juger, dit encore Givry. Ah, nous voici arrivés à la ville. L'hôtel du Sire de Mauvilliers est tout proche des remparts. Mademoiselle Violaine sera donc rendue sans encombre, Dieu soit loué. Où logez-vous, monsieur de Givry ? Mais, répondit Belcoeur en riant, à la Belle Étoile, jusqu'ici. Nous arrivons à Villefranche de Lauragais, et comptons nous arrêter plusieurs jours à Toulouse. Seulement à cette heure tardive, du diable si nous trouvons assez de place dans une hôtellerie pour nous y installer avec nos gens. Qu'à cela ne tienne, s'écria allègrement Hervé. Je gîte proche l'église Saint-Cernin, aux trois rois mages. Je serai heureux que vous y vinssiez loger à côté de moi. À merveille, fit Givry. Cela me procurera le plaisir de votre compagnie. La litière s'arrêtait devant le porche d'une vaste maison grise datant du siècle précédent, sorte de longue bâtisse de deux étages, qui semblait être une riche demeure, à en juger à la lanterne historiée, qui éclairait sa façade et à ses balcons arrondis comme des gilets de fermier des monnaies. C'était l'hôtel de Mauvilliers. Pendant que Godefroy allait tirer la chaîne de la cloche pour quêter l'entrée, les gentilshommes prirent congé de Violaine, qui très gracieusement encore les remercia. La porte s'ouvrit. Une grande cour apparut, où des gens s'agitaient à l'allure des torches. La litière s'engouffra sous la voûte, et la porte se referma.